Voilà, bonjour. Mais je vais vous proposer, moi, de retourner pour cette intervention dans le Haut-Rhin. Alors, plus à Mulhouse, ça s'est déjà fait, mais de prendre un peu d'altitude, vous le voyez, et de gagner les hauteurs vosgiennes du versant haut-rhinois. On sera au-dessus de 600-700 mètres et jusqu'à à peu près 1000 mètres avec le barrage du lac du Forlay que vous avez sous les yeux dans la vallée de Munster. Voilà. Et je profiterai d'une courte introduction pour vous brosser très rapidement le décor, comme on dit, ou en tout cas vous présenter rapidement les caractères physiques de ce versant alsacien du massif des Vosges. Alors il est qualifié, ça a été dit, communément de château d'eau, hein, puisque les différentes vallées qu'il compose, au nombre de 6, sont toutes traversées par une rivière principale de type torrentiel. C'est ainsi que les géographes la qualifient, alimentée d'affluents souvent nombreux. Malheureusement, les caractères physiques du versant alsacien du massif ne sont pas propices à une conservation, ou en tout cas une stagnation même temporaire de l'eau, puisque nous avons des versants souvent à la pente extrêmement marquée. Vous l'avez sous les yeux ici. Je ne vous cache pas que c'est un cas un petit peu extrême. Nous sommes dans la vallée de Munster, qui se caractérise par des reliefs de type alpestre, hein, qui est la seule vallée du massif à en présenter de telles. Le versant sont aussi des vallées de peu de développement, de peu de profondeur, des zones sommitales dépourvues de forêt, soit autant de facteurs qui engendrent un écoulement rapide de l'eau vers la plaine d'Alsace et bien évidemment vers le Rhin. De plus, le climat sur le versant alsacien des Vosges est assez différent, vous le savez, de celui du versant lorrain opposé, à savoir que les quantités de précipitations annuelles sont bien moindres. Cependant, et en revanche, le relief alsacien présente une particularité déterminante, l'héritage de l'activité tectonique d'il y a plusieurs millénaires, à savoir la présence de nombreuses cuvettes. Hein, je ne suis pas géologue, je développerai pas plus. Cuvettes barrées ou non, hein, de verrous rocheux. Et ces dernières collectent naturellement eau de pluie, eau de source et les eaux nivales. Et l'homme, bien évidemment, a mis à profit ces cuvettes pour constituer des réservoirs grâce à la mise en place de digues ou de barrages. Et en conséquence, ces réservoirs acquièrent une double fonction. Hein, ça, c'est une petite révision, ça a été évoqué dans les interventions antérieures. Celle d'abord d'alimentation supplémentaire d'eau dans les vallées, dans les périodes d'étiage des rivières, hein, lorsque le niveau est le plus bas, donc là évidemment en été. Et on peut jouer sur ce débit grâce à la mise en place d'un système de vannage. Mais l'autre fonction essentielle, et cela a été dit auparavant, c'est de retenir les eaux afin d'éviter crues et inondations dans les vallées, qui sont parfois extrêmement destructrices, en cas de fortes précipitations ou de fonte accélérée du manteau neigeux. Alors le corpus des barrages sur le versant alsacien aujourd'hui compte 15 ouvrages d'art établis sur des lacs disséminés sur 5 des 6 vallées alsaciennes, hein, puisque la vallée de Sainte-Marie, la plus au nord de notre territoire, est dépourvue de tout barrage. Alors pour vous fixer et sans préjuger de vos connaissances en géographie, recaler un petit peu dans l'espace ces différents lacs, en commençant par les vallées les plus au nord, donc du versant alsacien, au Val d'Orbais, donc deux lacs, le lac Blanc et le lac Noir. La vallée immédiatement méridionale, la vallée de Munster, en compte 5 cette fois-ci, le lac du Forlay, donc que vous avez eu sous les yeux auparavant, le lac Vert, le lac de Chisretride, le lac de Fischbeudelet, le plus petit de notre corpus, et le lac d'Altenweyer. Descendons encore un petit peu, la vallée de Tann-Saint-Amarin, hein, qui est ici, en compte un seul, le lac de Krüdt-Wildenstein, la vallée de Guebwiller, deux, hein, le lac de la Lauche, le plus au fond de la vallée, et le lac du Ballon. Enfin, la vallée la plus méridionale du versant alsacien en compte 4, du nord au sud, donc le lac des Perches. Alors deux lacs superposés, le grand et le petit Neuveyère, le lac d'Alfeld, un des plus grands de notre corpus en superficie, et enfin le tout petit lac du Lachtelweyer. Alors bien évidemment, les besoins en eau évoluent au fil du temps. Et dans toutes les vallées, et détermine les politiques de construction de digues ou de barrages de la part de différents maîtres d'ouvrage. Pour être assez synthétique, je peux proposer 3 périodes historiques dans la construction de ces ouvrages. Une longue période de plusieurs siècles antérieure à la Révolution française, le XIXe siècle dans son entier, et enfin le second XXe siècle. Alors pour la première période, il faut retourner à des mentions d'archives, puisqu'un certain nombre de pièces d'archives attestent jusqu'au XVIe siècle l'existence de sept lacs. La mention la plus ancienne remontant au début du XIIIe siècle, pour les lacs blancs et noirs, dans le Val d'Orbais que je vous ai présenté avant, en 1209. Cependant, méfiant, ceci ne signifie pas que ces réservoirs qui sont naturels, originellement, étaient barrés par un ouvrage de terre ou de maçonnerie artificielle destiné à en contenir les eaux ou, mieux, à en surélever le niveau. Enfin, les archives d'Ancien Régime ajoutent trois mentions supplémentaires de lacs à cette liste. Alors, sur cette carte de Gérard Mercator de la fin du XVIe siècle, qui reprend la carte de Speklin de 1576, vous voyez le lac noir, le Schwarzsee, et le Darrensee, alors c'est le lac vert ou le lac de Sulzeren dans la vallée de Münster. Au cours de cette première période historique, les digues, je préfère parler de digues à ce moment-là, qui sont mises en place, répondent à deux objectifs principaux. Le premier, et ça a été évoqué en début d'après-midi avec les cisterciens, c'est bien évidemment l'élevage du poisson, la pisciculture, truite ou carpe. Vous le voyez sur l'illustration de gauche, sur une carte forestière de la vallée de Münster. Nous sommes au niveau du lac du Forlet, vous avez vu en page de garde, et sont indiqués sous la grosse masse rocheuse des Tauben-Klangfelsen, un étang de carpe, et juste en dessous, l'étang de truite qui doit correspondre à l'emplacement, je pense, du lac du Forlet. L'étang de carpe qui est immédiatement au-dessus est asséché à l'heure actuelle. Donc là, bien évidemment, on est dans le cadre des prérogatives des seigneurs religieux que sont les abbayes, dans le cadre aussi de l'exploitation économique de leur domaine. Mais on trouve encore une pisciculture qui naît au milieu du XIXe siècle, assez étonnamment, et qui est le fait d'un industriel de la vallée de Münster qui s'appelle Jacques Hartmann, qui dresse une petite digue maçonnée sur le lac de Fischbödlé pour y pratiquer la pisciculture de truite à sa propre consommation. Et le botaniste Frédéric Kirchschläger, dans sa Flore d'Alsace, en 1862, signale que ce petit lac, vraiment le plus petit de notre corpus, en contient 3 à 4 000. Donc belle consommation chez les Hartmann. Le second objectif, évidemment, la régulation du débit des rivières. Pourquoi ? Pour assurer un approvisionnement régulier en eau, pour les communautés humaines des villages et des villes plus importantes, mais aussi entraîner les mécanismes des établissements proto-industriels que sont scieries et moulins, et des établissements plus importants qui vont voir le jour au fil des siècles, notamment à partir du début du XVIIIe siècle. Alors, en guise d'exemple, et pour illustrer la première entrée, en 1478, l'empereur Frédéric III accorde à la ville de Comar une charte, lui autorisant de disposer des eaux qui coulent du fond de la vallée de Münster, du lac vert, pour alimenter les moulins qui se situent sur le cours de la Fecht, entre Münster et Colmar. Pour illustrer le second motif de ces implantations déjà presque industrielles un petit peu plus importantes, Jean-Henri Dantès, dans la vallée de Masvaux, alors Dantès est un membre d'une dynastie de maîtres de forge, fait établir, rénover, rehausser les barrages sur les lacs de Neuveillère et le lac des Perches, au tout début du XVIIIe siècle, pour l'alimentation de ces forges et des hauts fourneaux. L'eau sert évidemment... ça a été dit également à l'irrigation des prés. Nous sommes dans un contexte d'économie agro-pastorale, bien entendu, qui repose naturellement sur les vaches bovins. Et le grand enjeu chez les paysans à l'époque et jusqu'à nos jours, c'est de constituer des réserves de fourrage pour la période d'hiver dans les prés de fond de vallée. Enfin, troisième usage, maintenir le niveau des eaux en suffisamment élevé afin d'assurer le flottage des bois et également le transport de matériaux de construction. Alors pour le flottage des bois, on sait que le lac de la Lauche, au fond de la vallée de Guebwiller, propriété conjointe du chapitre du Murbach et de celui de la Hautenbar, était entretenu, disposait d'une digue afin justement d'assurer cet office. Pour le transport des matériaux, on a le cas extrêmement intéressant. C'est un des lacs extrêmement bien documenté et le plus anciennement documenté. Ce sont les seuls plans que j'ai pu trouver pour illustrer le corpus. Le plan à votre gauche datant de 1740, le second à droite de 1775, présentant la disposition du lac du Ballon, donc dans la vallée de Guebwiller, puisque la digue qui est mise en place, a été décidée par Vauban. L'idée de Vauban était, en endiguant le lac du Ballon, lac naturel, de pouvoir alimenter via un canal le débit de la rivière la Laoche, elle-même alimentant un canal de dérivation rejoignant la forteresse de Neubrisach, et l'objectif étant de pouvoir livrer les matériaux de construction à la place forte. Alors, cette digue sera malheureusement plus entretenue quand la forteresse sera achevée et elle s'effondre en 1740, causant les dommages que vous imaginez dans la vallée et jusqu'à l'entrée de la vallée, puisqu'à Isenheim, qui est vraiment à l'entrée de la vallée de Guebwiller, on signale que 14 maisons sont encore emportées par les flots. Guebwiller étant relativement épargné, mais il y a quand même un moulin en amont de la ville qui disparaît. Alors vous avez sur l'illustration, sur le plan de gauche, hein, cette digue ici, hein, alors qui est une digue, et j'y reviendrai visiblement, de terre, renforcée de fascines de bois, et celui qui l'a réalisée a signalé la portion qui a été emportée par les flots, à savoir 40 pieds de large, aussi bien en hauteur, hein, à savoir ce que les ouvriers avaient ajouté au-dessus de la digue naturelle, mais également 40 pieds d'épaisseur de la digue initiale sur laquelle est venue reposer la digue artificielle. Alors bien évidemment, j'en recours beaucoup aux documents d'archives et à des plans, puisque vous vous doutez que les vestiges matériels de ces ouvrages anciens, en tout cas antérieurs au XIXe siècle, sont aujourd'hui inexistants ou pour le moins invisibles, sauf à ce que l'archéologie nous les révèle, bien entendu. Mais on sait quand même que sur le site du lac de l'Altenweyer, en 1879-80, lorsque l'on excave les différentes couches de tourbe, les ouvriers mettent au jour une digue de terre de 2 mètres de haut, et ainsi qu'un tronc d'arbre évidé, muni à son extrémité d'une petite planchette repercée de trous, hein, qui jouait le rôle de filtre. Et dans le cas de la digue Vauban, on a là quelques informations, donc hein, on sait qu'elle est en terre. Mais ce sont quand même de maigres renseignements sur les techniques de construction anciennes. La seconde période, le XIXe siècle, beaucoup plus riche en construction, peut véritablement être qualifié, sans exagérer, de siècle d'or des barrages. Alors c'est aussi un siècle de grands changements qui conduisent à l'augmentation croissante des quantités d'eau non seulement utilisées mais aussi consommées, entraînant, vous vous en doutez, des conflits d'usage et d'intérêt en dépit de nombreux règlements. Alors, parmi ces changements, on peut énumérer évidemment la croissance démographique des villages et des chefs-lieux de canton qui sont situés dans les vallées, avec les problèmes connexes de qualité sanitaire de l'eau. À Guebwiller, en l'occurrence, dans la décennie 1880, au milieu du 19e siècle, se posent de graves problèmes de typhus. Une réaction évidemment des autorités sanitaires et de nombreux médecins de la vallée qui poussent la municipalité autour de 1885 à mettre en place une adduction d'eau qui prend sa source à une dizaine de kilomètres de la ville en amont, afin justement de pourvoir la ville en eau potable. Et cette adduction est réalisée en effet en 1890. Les barrages permettent évidemment d'assurer cet approvisionnement en eau pendant la période estivale. Et même plus généralement, cette mise en place de l'adduction d'eau à Guebwiller est liée à la construction de deux barrages sur lesquels je reviendrai. Autre changement extrêmement déterminant, c'est l'accroissement des implantations industrielles, qu'elles soient textiles ou chimie, avec des besoins spécifiques en eau et souvent d'une grande pureté s'agissant du textile, pour le blanchiment évidemment. Il s'agit d'éviter les eaux calcaires, ça c'est le cas pour les industries mulhousiennes qui se servent des eaux de l'île qui sont justement beaucoup trop calcaires. L'eau intervient évidemment dans la teinturerie, mais également c'est une évidence force motrice pour les roues, les turbines et les machines à vapeur. Alors pour vous donner une idée un petit peu de ces implantations industrielles, selon les statistiques hydrographiques du Haut-Rhin dressées au milieu du 19e siècle, à partir de 1853, existent 442 usines à eau dotées de 725 roues motrices dans les bassins versants du versant alsacien du massif des Vosges, donc Doller, Thur, Laoche et Fecht. Et évidemment, les eaux contenues par les barrages servent toujours à l'irrigation agricole et on note, notamment au XIXe siècle en particulier, une forte opposition des agriculteurs. Ils craignent que l'implantation de barrages à l'attention, surtout, nous allons y revenir, des industriels, perturbent leurs droits d'usage. Hein, c'est le cas dans la vallée de Master et dans le Val d'Orbay, mais on arrive quand même, après beaucoup de discussions, à lever toutes leurs réticences. Alors, sur le 19e siècle, il va connaître deux phases successives de construction de digues et de barrages. La première entre 1830 environ et 1858. La seconde à l'époque allemande, puisque après 1871, l'Alsace et une partie de la Lorraine devient donc un land, le land d'Elsace-Lothringen. La première phase. Alors, on assiste à la construction de 8 barrages ex nihilo. Le lac Vert, le lac du Forlet, le lac de Fischbödlet, les lacs Blanc et Noir, vous avez le lac de Soultzeren sous les yeux, les lacs du Petit et du Grand Neveillère, et enfin le lac des Perches. Et un chantier dans le cadre d'une consolidation, pour une remise en exploitation, c'est le lac du Ballon, puisque les ouvriers viennent reprendre l'existant de Vauban et remontent un nouveau petit barrage. Là, les maîtres d'ouvrage, j'en ai parlé, ce sont directement les industriels. On assiste d'abord à une initiative, on va dire, privée, personnelle, des manufactures Hartmann et Fils à Münster, avec la construction du lac Vert, et à savoir qu'ils le prennent à charge sur leurs finances personnelles. Mais très rapidement, les industriels se regroupent entre eux, puisqu'ils ont des intérêts convergents à voir construire des barrages sur les lacs vosgiens, comme les Hertley-Himmer de Soultzeren et les Graf Köchlin de Stosswir pour le lac du Forlet, ou les industriels de la vallée de Guebwiller pour le lac du Ballon au milieu du 19e, qui se rassemblent, eux, en 1862, en un syndicat des usiniers de la Lausche, comprenant 34 industriels, parmi lesquels de grandes familles, comme les Schlumberger et les Burckhardt. Et enfin, une société qui naît dans le Val d'Orbay, la société des lacs d'Orbay, pour les deux lacs noirs et blancs, et la société des lacs de la vallée de Masvaux, pour les lacs des Neveillères, les deux lacs des Neveillères et le lac des Perches. Alors il valait mieux d'ailleurs que les industriels s'emparent de la construction et financent la construction des barrages, puisque Henri Schlumberger, industriel de la vallée de Guebwiller, signale dans un mémoire de 1870 que, selon une lettre du ministre des Travaux publics informant le Conseil général du Haut-Rhin, que jamais l'État ne prendra sur lui la responsabilité de la construction des digues. Et à cette époque, le Conseil général du Haut-Rhin n'était pas suffisamment en fonds pour pouvoir entreprendre de telles constructions. Alors voyons un petit peu, et ça rejoindra l'intervention antérieure, comment on construit à l'époque. Puisque vous vous doutez qu'un certain nombre d'études sont faites avant la construction effective. Il y en a eu une d'ailleurs de l'ingénieur en chef Baumgarten, sur lequel je ne reviendrai pas, cela me prendrait un petit peu de temps. Alors comment est-ce que l'on construit à l'époque? Vous avez ici sous les yeux un des sites les plus impressionnants sûrement dans les Vosges, le site du lac Blanc, et vous avez au premier plan le petit barrage qui a été construit en 1857-58, connu là par une photo d'Adolphe Braun en 1859, donc quelque chose qui semble quasiment naturel, en tout cas extrêmement simple et très minéral. Et vous avez le petit canal d'échappement juste en dessous. Voilà des plans publiés dans le bulletin de la Société industrielle de Mulhouse en 1859 qui nous présentent la manière de construire des petits barrages du lac Noir et du lac Blanc, les techniques étant extrêmement similaires. Alors c'est d'une simplicité presque biblique, si je puis dire. Le corps de l'ouvrage est bien évidemment composé de terre extrêmement compactée, mêlée de chaux et de fragments de pierre, et chaque parement est évidemment monté en pierre de taille et d'une épaisseur suffisante pour contrer la poussée des eaux. On enchâsse évidemment le barrage dans la roche pour lui assurer le maximum de stabilité. Ici, le petit plus, si je puis dire, c'est, et je vais vous les indiquer, ici et là, une ceinture en béton hydraulique de toute hauteur, d'une épaisseur de 1 à 2 mètres, destiné à assurer l'étanchéité maximum de l'ouvrage, éviter que la terre ne se délite. Donc voilà, au milieu du 19e, comment on construit. Donc c'est une mise en œuvre relativement rapide, économique, entre guillemets, et que vous avez vu auparavant aussi sur le lac donc de Soultzeren, sur lequel on peut là, évidemment, circuler. Voilà. Alors maintenant, les industriels reconnaissent la faible technicité de ces ouvrages, et elle est pleinement assumée, notamment pour des raisons économiques. Et le même mémoire d'où sont extraits les plans que vous avez sous les yeux signale: ces travaux, on le voit, n'ont aucune prétention au luxe. et n'ont rien de remarquable comme œuvre d'art. Ça se vérifiera assez tristement, si je puis dire, puisque le barrage du Lac Vert, dont je vous ai présenté une lithographie, s'écroule partiellement après sa mise en service. Et celui du lac du Forlet s'affaisse en revanche avant même sa mise en service. Donc vous voyez, ce sont quand même des mises en œuvre relativement empiriques à cette époque-là. La seconde période extrêmement intéressante, entre 1878 et 1894, nous assistons à l'édification de quatre barrages sur le lac d'Alfeld, que vous avez sous les yeux, sur celui de l'Altenweyer, sur celui du Schisrotried et sur le lac de la Lauche, ainsi que deux chantiers dans le cadre d'un renforcement de digues qui préexiste. Évidemment, le barrage du lac du Forlet et le barrage du lac Vert, donc, qui s'était précédemment effondré. Désormais, c'est l'administration allemande qui prend les choses en main, de manière extrêmement dirigiste, mais plusieurs figures émergent qui ont livré des documents extrêmement intéressants. Celle à citer immanquablement, c'est celle d'Hermann Fecht, qui est un conseiller ministériel formé à la Technische Hochschule de Karlsruhe, ainsi qu'un certain nombre d'architectes du gouvernement, Bühler, par exemple, pour le lac de la Lauche, Bernard Schemmel pour l'Altenweyer et le Schisrotried, et von Kleude pour le lac d'Alfeld. La politique officielle du gouvernement allemand est très claire tout de suite. Le gouvernement et les ministères concernés financeront les sites à fort potentiel, délaissant aux industriels, c'est sous-entendu, les sites secondaires, comme le lac du Ballon. Et plusieurs industriels en font, je dirais, un petit peu les frais. C'est le cas d'Edmond Koechlin, qui avait sollicité la construction d'un barrage au fond de la vallée de Saint-Amarin en 1881. Évidemment, on ajourne la demande extrêmement rapidement. Cependant, on peut y voir un petit peu d'hypocrisie, le gouvernement sollicite systématiquement pour les grands chantiers les finances des industriels et met d'ailleurs en balance la construction avec leur participation. On a plusieurs exemples. Ainsi, le syndicat des usiniers de la Lauche, donc dans la vallée de Guebwiller, est fortement incité à verser 70 000 marks en 1887 pour la construction du barrage de la Lauche. Il faut reconnaître que c'est la construction la plus coûteuse du corpus, puisque le coût total est de 880 000 marks. La ville de Guebwiller sera d'ailleurs sollicitée également à hauteur de 50 000 marks. Pour le barrage de l'Altenweyer et de l'Alfeld, c'est 100 000 marks qui sont sollicitées et versées par les industriels qui, évidemment, y trouvent tout leur intérêt. À l'époque allemande également, des études extrêmement intéressantes sont conduites, notamment à partir de 1878 par Hermann Fecht pour préparer la construction de l'ensemble de ces lacs dont je vous ai cité les noms. Alors, les techniques de construction, là, sont extrêmement intéressantes. Hermann Fecht a livré dans le Zeitschrift für Bauwesen deux contributions extrêmement importantes qui permettent de se faire une idée de comment on construit. Et il reconnaît d'ailleurs que les chantiers de l'Alfeld, du lac de l'Alfeld que vous avez sous les yeux, et celui de l'Altenweyer sont un peu des chantiers test sur lesquels ils ont testé un petit peu leur méthodologie de travail. À savoir la mise en place de baraques et de toutes les infrastructures logistiques. On est quand même extrêmement éloigné de plusieurs kilomètres des terminus de train pour la livraison des matériaux. Difficulté évidemment de terrassement. Pour établir un barrage, il faut absolument se fonder sur la roche, je dirais mer, en tout cas une roche de fondation assez solide. Il faut ouvrir des carrières in situ pour prélever les matériaux de construction, pour les parements et le blocage interne des barrages. Il faut tester les mortiers. Et là, pour ce faire, Hermann Fecht monte un petit laboratoire dans le cadre de la construction des lacs de la vallée de Münster à Metzeral, où il va tester les mortiers, séchage, résistance à différents intervalles de temps. Et les fournisseurs chez lesquels il achète chaux et mortiers font eux-mêmes de leur côté des tests également concomitants. Et c'est vraiment là, l'empirisme n'est jamais très loin dans ces chantiers. On utilise aussi la poudre et plus la dynamite. Celle-ci a le grand désavantage de fendre la roche mère et d'engendrer des infiltrations. Et enfin, dernier problème à régler, la gestion des eaux de ruissellement dans le cours du chantier. Il faut réussir à barrer tous les eaux de ruissellement. Et ceux qui ont la chance de voir le lac du Forlet à sec, y verront encore une petite digue en bois médiane destinée justement à l'époque à retenir les eaux et à les évacuer pendant la nuit quand le chantier évidemment est interrompu. Alors maintenant, me direz-vous, le gain de ces travaux est d'importance, qui modifie évidemment le paysage du massif. On en a aussi une illustration chez Hermann Fecht dans les deux mémoires que je citais, mémoires datées de 1889 et 1893. Alors, à partir de calculs assez savants que je vous épargnerai, voici ce qu'il en déduit à partir d'un volume d'eau de 5 millions de litres, gagné grâce à la construction de 4 barrages, et pour l'année 1892. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à construire 4 barrages et à gagner 5 millions de mètres cubes d'eau? En tout cas, pour l'alimentation des machines industrielles de la vallée, qui en compte 91 en 1877, une économie de 1600 tonnes de houille, soit environ près de 33 000 marks. Pour l'agriculture, l'économie est évidemment tout aussi intéressante, et Hermann Fecht de continuer, que l'eau gagnée par ces barrages, épargnée par ces barrages, permettra des lâchers continus au cours de toute l'année, permettant l'irrigation moyenne par hectare, c'est extrêmement précis, d'à peu près 8000 m3 par année, donc permettant de couvrir toutes les périodes, et notamment la période critique d'été. Et pour 600 hectares, il fait des moyennes, le gain serait de 36 000 marks. Voilà. Donc des études extrêmement, extrêmement précises. Alors quelques illustrations pour illustrer justement l'activité supervisée par Hermann Fecht et ses équipes, le lac d'Alfeld et le lac Vert. Le lac d'Alfeld a la particularité de comprendre deux portions de barrages, ici le plus long et ici de l'autre côté, de part et d'autre de ce massif naturel. Le lac Vert, lui, a la particularité d'avoir un tracé curviligne, vous le voyez ici, et sur le plan en bas, puisque là, et j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, et ça a été une surprise en cours de travaux, dit Fecht, à un moment, plus de roches suffisamment solides pour établir le barrage. Donc nous aboutissons à un barrage qu'on va qualifier d'hybride, maçonnerie d'un côté, terre de l'autre, renforcée de murs. Le lac d'Altenweyer, où vous avez sur le plan en haut à droite l'implantation des baraques de tout le chantier au cours de la construction du barrage. Alors là aussi, on change, je dirais, un petit peu de catégorie, ça ne sont plus des digues mais des barrages. Le système d'évacuation de l'eau, évidemment, est beaucoup plus étudié, avec des écoulements à travers le barrage lui-même et des déversoirs latéraux de hauteur pour éviter les trop-pleins et réussir à les réguler. Enfin, le lac de Schisrottried, là aussi un des barrages, un des plus grands, un des plus coûteux, également dans la vallée de Münster. Voilà, je terminerai avec le second XXe siècle et ce que j'appellerais un petit peu le stéréotype du barrage de montagne, en tout cas celui que j'imagine vous attendiez à avoir ou connaissez si vous avez parcouru les Alpes, le barrage de Krut. Alors lui est inauguré en 1966. C'est au XXe siècle la réalisation majeure. Il y a eu un autre chantier sur le Grand Neveillère conduit par le département et qui a visé à remonter un des deux barrages. Alors ce lac de Krut, les discussions pour construire un barrage remontent quand même à 1861, poussées par des industriels, mais ajournées jusque-là. Alors là, c'est une construction évidemment monumentale, et le département du Haut-Rhin, qui est maître d'ouvrage, a choisi là un barrage, ce qu'on appelle un barrage poids en terre compactée, avec un masque amont étanche à 3 couches superposées de béton, qui font à peu près 40 cm d'épaisseur. Alors c'est une masse évidemment énorme, vous l'avez sous les yeux, à savoir près de 400 000 mètres cubes de matériaux, que je vais comparer vraiment pour donner une échelle au volume de matériaux mis en œuvre pour le barrage du lac d'Alfeld qui n'en comptait que 30 000 mètres cubes. Donc on est vraiment dans une autre dimension. C'est évidemment le lac le plus important désormais du massif. Et beaucoup plus complexe évidemment dans la gestion des lâchers d'eau puisque vous avez latéralement ici, alors vous ne la voyez pas très bien, elle est là, ici, la chambre des vannes, et un édicule extrêmement impressionnant qui est le trop-plein, intégralement gainé de béton, et qui vient collecter effectivement le trop-plein d'eau pour le rejeter donc dans la vallée de la Thur. Voilà, je m'arrêterai là. Merci à vous.